faux messie, المسيح الدجال. L'apparition du faux messie, le menteur, l'antéchrist, sera l'un des signes avant-coureurs majeurs du jour du jugement. Il aura le pouvoir, par la volonté d'Allah, d'accomplir des faits inhabituels afin de tromper les gens. Ainsi, il prétendra posséder des attributs divins. Entre ses deux yeux, trois lettres seront inscrites. Kafara, signifiant kafir, c'est-à-dire mécréant. Le prophète, paix bénédiction d'Allah sur lui, l'a décrit en ces termes. Il a un corps robuste, le teint rouge, les cheveux bouclés et aveugle de l'œil droit, c'est-à-dire qu'il est borgne. De plus, son œil ressemblera à un raisin sec. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il voyagera partout dans le monde, mais ne pourra entrer ni à la Mecque, ni à Médine, car ces deux villes sacrées seront gardées par des anges qui lui en interdiront l'accès. Parmi ses actes extraordinaires, il ordonnera aux nuages de faire tomber la pluie. Il soignera l'aveugle né et le lépreux. Il coupera en deux un jeune homme avec une épée, puis lui ordonnera de revivre, alors celui-ci sera ressuscité, et il sourira lorsqu'il lui ordonnera. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Aucun prophète n'a été envoyé sans avoir mis en garde son peuple contre le borgne menteur, le faux messie. Attention, il est borgne et votre Seigneur ne l'est pas. Entre ses deux yeux, le mot « kafir », mécréant, est écrit. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il aura aussi de l'eau et du feu avec lui. Ce qui semblera être du feu sera en réalité de l'eau fraîche, et ce qui semblera être de l'eau sera en fait du feu. Finalement, le prophète Jésus, sur lui la paix, Isa, viendra, le combattra et le tuera. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne, sera protégé du faux messie. » Hadith rapporté par l'imam musulman.